avec Valérie Levé, notre journaliste scientifique. On fait le point sur l'histoire des quarantaines. Bonjour Valérie. Bonjour Caroline. Et je fais juste une petite parenthèse pour dire aussi, à titre peut-être un peu plus anecdotique, ben c'est pas anecdotique, mais quand même, là, c'est pas le sujet prévu, mais je lisais ce matin qu'il y a 40 ans, on éradiquait la variole, hein, comme quoi l'humanité peut faire de grandes choses quand on est solidaire. Hein. Ça fait exactement 40 ans, le 8 mai 1980, que l'OMS déclarait officiellement tous les peuples du monde libérés de la variole. Bon, comme quoi, tous ensemble, on peut faire des choses. Ben oui, oui, oui. Alors, on est libérés en quelque sorte, je dirais, de la variole. Maintenant, on va essayer de le faire avec le coronavirus. Mais Valérie, on peut dire que cette pandémie-là est historique. Et bon, après ça, on voit que les mesures de confinement et de quarantaine qu'on a mis en place partout dans le monde, c'est du jamais vu. Mais en fait, la quarantaine, ça reste quand même, Valérie, un concept qu'on a déjà vu. Et là, tu vas nous proposer un petit voyage dans l'histoire, un petit retour en arrière pour voir comment les quarantaines ou la quarantaine s'est constituée au fil des siècles, rien de moins. Ben oui, parce que comme tu le dis, ben on se doute bien qu'on vit pas la première quarantaine ou le premier confinement de l'histoire. Et en fait, l'idée d'isoler les malades, ça remonte au temps biblique, puisque déjà dans la Bible, il est mentionné d'isoler les malades pour éviter la propagation de la maladie. Donc intuitivement, on avait quand même compris quelque chose. Maintenant, la Bible, ça nous, cette mention dans la Bible, ça nous dit pas, ça nous donne pas une preuve concrète que ça s'est fait. Alors, la première mention historique de mise à l'écart des malades, ça ne date que du 6e siècle. Et ça se passe dans l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire dans la Turquie actuelle, parce qu'il y avait une grande, à cette époque-là, il y avait une grande épidémie de peste. Ouais. Alors, pour mémoire, là, l'Empire romain, il s'est scindé en deux au 4e siècle après Jésus-Christ. Ça a donné l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Et le premier empereur de l'Empire romain d'Orient, c'était Constantin. C'est lui qui a donné son nom à la ville de Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul. Et détail important pour la suite, Constantin a aussi décrété la foi chrétienne. Et au 6e siècle, quand la peste est arrivée sur l'Empire romain d'Orient, l'empereur à ce moment-là, c'était Justinien, et on parle de la peste de Justinien. Ah oui. Et pour tenter de contrer la maladie, lui, il a ordonné la mise à l'écart des malades. Sauf que cette mise à l'écart des malades, elle avait quand même un goût discriminatoire parce qu'elle visait les juifs, les païens, les ariens, les homosexuels, qui étaient accusés de colporter la peste. Mais évidemment, elle visait pas les chrétiens qui semblaient demeurer indemnes comme par hasard. Il y avait l'illumination mystique et comme si les virus n'adhéraient pas. Ouais, c'était pas à cause d'eux si la peste se répandait dans la ville. Bon, déjà en partant... rare scientifique. Donc, une quarantaine, on le voit, c'est une mise à l'écart ciblée, là, peu importe comment on le fait. Ils ont été mis à l'écart ou, en fait, ces gens-là, ils sont confinés chez eux? Comment on les expulsait de la ville? Comment ça fonctionnait? Ils sont mis à l'écart de Constantinople. C'est l'accès à Constantinople qui leur est interdit, mais sans qu'il y ait d'endroit particulier pour les regrouper. Donc, débrouillez-vous. Voilà, mais vous n'entrez pas dans la ville. Alors ensuite, le premier malade pour regrouper, le premier hôpital pour regrouper des malades, alors non pas des malades de la peste, mais pour des lépreux, il apparaît un peu plus tard au 8e siècle à Damas, donc dans la Syrie actuelle. Et en Syrie. Et par la suite, on va voir apparaître en Europe des léproseries pour isoler les malades et des mesures de confinement contre la peste, surtout au 14e siècle avec la peste noire. Ouais, c'est pas des beaux mots, hein, peste noire. Alors là, évidemment, tu parles de mise à l'écart, on les sortait de la ville ou en tout cas, on voulait pas qu'ils rentrent de la ville. Mais on parle pas de quarantaine, là, il y a pas de notion de jour, là, ils restaient en isolement. Parce que là, on dit quarantaine aussi. Est-ce qu'il y a une notion de 40 jours? Est-ce que d'où vient ce mot-là, quarantaine? Ils étaient mis à l'écart et on ne parlait pas vraiment de quarantaine dans ces cas-là parce qu'on ne guérit pas de la lèpre. Non. Donc, l'isolement des lépreux, c'est un isolement à vie. Oui, on le voit, je pense, je ne sais plus dans quel film biblique, là, les lépreux qui allaient vivre dans des grottes. C'est ça, ouais. Exactement. Je pense qu'on le voit aussi dans Ben-Hur, peut-être. Oui, peut-être c'est dans Ben-Hur. Oui, oui. Et même pour la peste, on peut en guérir, mais ça prend éventuellement plus de 40 jours. Alors, la quarantaine, en fait, l'idée de la quarantaine, ça remonterait à Hippocrate, qui aurait remarqué que... une maladie doit guérir en moins de 40 jours, parce que si ça dure plus de 40 jours, c'est une maladie chronique, ben, en fait, comme la lèpre, justement. Donc, c'est une maladie qu'on a à demeure. Donc, ça remonterait à là, l'idée de la quarantaine. Mais là, dans ces cas-là, donc dans les léproseries, dans les endroits où on mettait les pestiférés, ben, on parlait pas forcément de quarantaine. Aussi, avec la quarantaine, il vient l'idée de la prévention. On va mettre à l'écart des personnes venues d'ailleurs et susceptibles d'être malades. Non, on ne sait pas nécessairement si elles sont malades, mais elles sont susceptibles d'être malades pour éviter qu'elles n'apportent la maladie là où elles arrivent. Ouais. Donc, et en particulier, il commence à y avoir pas mal de commerce maritime en Méditerranée avec des bateaux qui se promènent de port en port et des marins qui débarquent dans les villes et qui peuvent apporter la maladie avec eux. Mmh. Alors, la première quarantaine préventive notifiée dans l'histoire, en fait, c'est une trentaine, et elle se déroule à Raguse. Ça, Raguse, c'est la Dubrovnik d'aujourd'hui, et c'est en Croatie, et on est en 1377. OK. Et il y avait la peste encore qui circulait, là. Ah, ben, il y avait là, je ne sais plus si c'était... C'était pour la peste, exactement. Donc, à l'époque, Raguse, c'est un port important dans la Méditerranée. Et effectivement, pour ne pas faire entrer la peste en ville, ben, les marins doivent rester en trentaine, donc 30 jours sur une petite île voisine. Et de la trentaine, comment on est venu à la quarantaine? Alors, c'est à Venise, donc un autre port majeur de la Méditerranée à l'époque. Donc là, on a eu l'idée d'allonger la trentaine à la quarantaine. Donc Venise a fait construire un lazaretto, donc ça c'est un établissement de mise en quarantaine sur une île de la lagune de Venise. Et ensuite, le principe va s'étendre à d'autres ports de la Méditerranée comme Gênes ou Marseille, avec la construction de lazarets pour mettre les gens en quarantaine. Et là, on parle vraiment de 40 jours, là. Oui, c'est pas ça. Pas une quarantaine comme aujourd'hui, là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment, on met les gens en isolement pendant 40 jours, on s'assure qu'ils ne sont pas malades, et s'ils ne sont pas malades, vous pouvez sortir. Bon, 40 jours, j'espère qu'on les nourrit bien, puis qu'on s'en occupe. Ah, ça, je ne sais pas dans quelles conditions, hein. C'était peut-être pas toujours. Ils sortaient peut-être de leur quarantaine plus malades qu'ils étaient. Oui, exactement. Bon, c'est une autre histoire, ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas seulement les personnes, les marins qui sont mis en quarantaine, c'est aussi les marchandises. Ah ben oui. Qui sont susceptibles d'être contaminées. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est pas vraiment, qui est pas une, forcément quelque chose de drôle d'ailleurs. En 1720, il y a un navire qui est arrivé de Syrie avec des étoffes. Il est arrivé à Marseille, au port de Marseille. Les marins ont été mis en quarantaine. Mais il y a des étoffes qui ont été déchargées clandestinement, directement, sans passer par la quarantaine. Oups. Et elles ont transmis la peste qui s'est propagée dans toute la région, au point que toute la Provence a été mise en quarantaine, une sorte de confinement régional. Ouais. Comme on a fait à Wuhan il n'y a pas longtemps. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Un grand confinement régional. Alors, donc, les quarantaines ont été instaurées un peu partout en Europe. On a mis en place ces mesures-là. Mais aussi, à la même époque, il y avait des voyages entre l'Europe et l'Amérique, là. On était dans les périodes des grandes explorations. Est-ce que, à ce moment-là, on allait aussi instaurer des quarantaines pour ce qui est des voyages Europe-Amérique? Ben oui, parce qu'effectivement, l'Amérique du Nord commence à se peupler, l'Amérique latine aussi. Donc, dans les Amériques, la première quarantaine est celle de Saint-Domingue, ça c'est en République dominicaine actuelle, et c'était en 1519 pour contrer l'arrivée de la variole. Et puis ensuite, au XVIIe siècle, il y a eu plusieurs quarantaines aux États-Unis contre la variole, mais aussi la fièvre jaune. Et puis ici au Québec, on le connaît, dans les années 1140, il y a eu des quarantaines à Grosse-Île. En fait, Grosse-Île était l'endroit où on mettait les gens en quarantaine pour empêcher le choléra d'entrer sur le territoire. Et on sait que beaucoup d'Irlandais ont fui les famines en Irlande et sont malheureusement morts à Grosse-Île. Oui, d'ailleurs, si les gens ne sont pas allés, je ne sais pas cet été si ça va être ouvert, si Parc Canada, ça pourrait être intéressant, ça donne une perspective et, historique sur la chose. Oui. Alors, donc, d'ailleurs, en fait, en même temps, avant que ce soit Grosse-Île, il y avait un point de quarantaine, c'était à Lévis, mais on trouvait que c'était trop près de la ville, donc on l'a déplacé à Grosse-Île. C'est vrai, je savais pas. Mais effectivement, ouais. Oui, Lévis rendu là, on est presque facile d'arriver à Québec. Bon, la grosse île, c'est un peu plus loin, effectivement. C'est très intéressant On peut pas sortir de là facilement. Hein. Faut un bateau pour sortir de grosse île, alors que Lévis, finalement, on peut sortir de là. Oui, facile. Aller en ville. S'échapper vite fait. Ouais. Alors donc, devant la menace qui était aux portes du pays, chaque pays a instauré comme ça des quarantaines et on a vite compris le principe d'isolement hein, pour protéger les populations, un peu comme on le fait présentement en fermant les frontières face à la COVID. Quoique là, on dit quarantaine encore, mais on parle de 14 jours. Mais bref, le principe est le même, on isole les gens. Il y a une sorte de parallèle à faire, là. En fait, il y a deux choses. Il y a le confinement, puis la quarantaine, puis peut-être que les deux termes se mélangent un petit peu, mais effectivement, les gens qui voyagent entre les pays sont quand même soumis à une quarantaine, donc on les met en isolement, qui est en fait une quatorzaine. Et puis, il y a l'idée de confiner une région pour... comme une quarantaine à l'échelle de la région. Mais effectivement, il y a un parallèle, parce qu'à l'époque, chaque pays faisait un peu sa quarantaine... un peu à sa manière, et cette année avec la COVID, chaque pays a fermé ses frontières aussi un peu à sa manière, donc a confiné son pays ou a mis son pays en quarantaine un peu à sa manière. Et en Europe quand même, comme chaque pays faisait ses quarantaines à sa façon pour protéger sa population, au 19e siècle, il y a eu cette idée qu'il fallait une action concertée. Parce que finalement, si un pays fait bien, mais qu'à côté on fait mal, on risque de perdre tous les bénéfices de notre action. On voyage pas mal plus aussi qu'au 16e siècle, disons. Oui, c'est ça, exactement. Puis on peut passer par les grandes routes et les petits chemins. Oui, exact. Donc en 1834, la France appelle à une standardisation des politiques de la quarantaine. Alors il y a eu plusieurs rencontres des dirigeants de cette époque-là, plusieurs ébauches. Et en 1907, l'Office international d'hygiène publique a été créé. Il regroupait 12 pays. Et en 1948, ça devient l'OMS. Ah, ouais, intéressant. Voir comment ça s'est transformé finalement. Et il y a un règlement sanitaire international qui est adopté par 181 pays. Et ce règlement exige que des maladies qui sont très contagieuses comme le choléra, la fièvre jaune, la peste, le typhus, la variole soient obligatoirement déclarées à l'OMS. Donc il y a une espèce de transparence qui est exigée pour permettre de contenir la maladie par des quarantaines ou des vaccinations. Mm-hmm. Voilà. Et outre ces maladies, ça n'empêche pas des quarantaines pour d'autres maladies. Donc, il y en a eu en Afrique contre l'Ebola, il y en a eu en Chine et au Canada contre le SRAS en 2002. Et puis, en 2020, contre la COVID, les frontières se sont fermées sur toute la planète et la moitié de la population mondiale est en confinement. Et ça, c'est quand même une situation complètement inédite dans l'histoire, je crois. Oui, effectivement, c'est un peu surréaliste. Tu sais, quand on y pense, là, que toute la Terre, la planète Terre humaine soit confinée, là, c'est assez vertigineux quand même d'y penser. Mais c'est bien de mettre ça en perspective. Valérie, je te remercie beaucoup pour cette lumière sur les quarantaines. Et puis, je te souhaite, ainsi qu'à tous les auditeurs, une bonne fin de semaine. Oui, une très belle fin de semaine, Valérie, à toi aussi. On se reparle mercredi prochain.